Samedi à l'aude de Jean Racine. L'aurore brillante et vermeille prépare le chemin au soleil qui la suit. Tout rit au premier trait du jour qui se réveille. Retirez-vous, démons qui volez dans la nuit. Fuyez, suonge, troupe menteuse, dangereux ennemi par la nuit enfantée. Et que fuit avec vous la mémoire honteuse les objets qu'à nos sens vous avez présentés. Chantons l'auteur de la lumière jusqu'au jour où son ordre a marqué notre fin, et quand le bénissant, notre aurore dernière, se perde en un midi sans noir et sans matin. Gloire à toi, Trinité profonde, Père, Fils, Esprit Saint, qu'on t'adore toujours, tant qu'à l'astre des temps éclaira le monde, et quand les siècles mêmes auront fini leur cours.